à l'attention des miens. L'attention arrive sans latence, mais latence c'est rien. Le système arrive dans ta tête en traître. Le plus dur c'est le commencement. J'écoute commencement dans ce monde. On y va plus doucement, douce manque de confiance. Obligé, je reste méfiant. J'étais en méfiante sur Babylone, méfiant. Jamais, toujours face à l'adversité. Ces versités sont mes armes citées. Vers secté, parmi l'insecté. Nous pas insectisés contre ces cons qui nous pas insectisés. Les ta-ta-ta-ta-ta dans sa poche et trouve la tienne. Il faut que tu le retiennes, ces phrases contiennent la rage de la populace. Celle qui est lasse, qui pue lasse. Hélas, vu en mal propre ou bien incarné. Nos noms dans un carnet, prêts à nous incarcérer dans un carnet. Face pour qu'on efface nos pensées sales. Carnet face à la merde, on s'encrasse. Personne ne croit as, mais je les entends encore beaux qui croassent. Proche et la mort comme un chien chez l'âge mort. Pour protéger et défendre ma seule âme or. Ils rentrent dans ton crâne pour que tu saches plus où donner de la tête. Entêté, tu t'entêtes, tes têtes à têter. Le système des frères fait faible, tu te sens frais, frais. Mais si tu te retrouves au frais à freine, ferme, fesse, c'est qu'on fesse toi. Reste toi-même, suis pas leur mode, elle nous est pas commode. One, two, that shine. C'est pour les miens, check ça. Moi j'aime bien me foutre ça. Et je me tape même pour un bout de sable. On écrase et on s'écrase comme un château de sable. Dans un fauteuil j'imagine bien la vie confortable. Les rêves s'effacent dans deux feuilles. Le deuil mais je suis un mec fort stable. Quand les portes claquent, quand les portes plaquent. On est pauvre, braque, pack, pour au placo à la All Blacks. Je crache un bon glaire, pas là pour me plaire. On fait pas la bonne paire, les compères nous pompent l'air. Calcule mal garçon, on s'arrête à 18. C'est pas la mer à boire et ça se dise vite comme un pur mal glaçon. Je pose sur un stru basse, les bons sons s'assument pas. Assez, crache mon son sur Cuba. C'est pas une paraphrase, interprète mon paragraphe. Pétage, laisse que dalle à part un graphe. À part un gras, pour nous y'a pas trop d'adjectifs. On me coupe le bras ou soit je finis comme un trompe chétif. Un arloca comito fisso, pisto comico fisso. On fait le bis comme il faut, misé pissa. Sur le flow d'Ixa, R2F on dit que ça et ça. Tous les flics savent, la vie c'est dur, sale procédure. Et tu peux pas le nier, merde. Ça peut être aussi dur que mes doigts sur le clavier maître. On est à deux doigts de l'état boiteux. Des droits de poisse nous poussent à l'angoisse. Comme la peste on se répand tout part. Comme les salves et libres, je tire de part. Tu se barres et je me bats sur un satellite.